Rap anti-censure, Didier Defkila, Paris-Marseille. Passa les trieurs d'actu, pilleurs d'abus, les nuiseurs de la rue. Combien détruisent, déguisent la vérité du bas du talus. On parle que des talons, moi j'étalonne ce que la vie décalote. Des tas d'hommes, donc la parlotte, et les tandons que des carottes. Ça parle du feu, qui se fait péta, pas de celui qui m'arrave les autres. Ils mettent des images plein la tête, leurs caméras c'est pas les nôtres. Dans nos quartiers, y'a pas que chez nous des caméscopes. Les gens de la haute, ils n'en parlent pas, bien que j'ai des preuves sur caméscope. Parle que de ceux qui tiennent les armes, qui sont les crapules qui les vendent. Entre la victime et le soldat, seul le second sera une légende. Ces gens qui meurent de faim, de soif, l'actu les a vesquis. Et toutes ces tribus qu'on décime de nos ça intéresse qui ? Ça fait des tonnes de reportages, chacun se repartage l'essentiel, les sans seuls, sans marque-page qui veulent pas dans le séquentiel. L'info, l'État en parle, jamais de son gaspillage. En tant que pro du maquillage, c'est à cause de nos gaspillages. Voyez pas qu'il y a pas de virage, on découpera leur tas de grillages. Dans vos écages, qu'il y a une bonne prose dans nos textes, mais qu'il y a pas de grillage. Il y a trop de cris de rage, que certains se contentent de muter. Nous, si on prend le mic, c'est sûrement pas pour flûter. Motus et bouche cousue. Leur silence égare nos frères à coup sûr. Faire le tri sur ce qu'on dit, c'est fermer les yeux à tout prix. Nous quoi qu'on rappe, on sort les choses de l'oubli. Motus et bouche cousue. Ils s'obstinent à cacher ce qui est gênant derrière la couture. Ils dissimulent les cris, nous font tourner comme des toupies. Tango et cage face à l'ampleur, on n'a même pas tout dit. Sur ce manque de politesse entre la volaille et la tête, mec, la flicaille et la peste, et ils te cisaillent à la flèche. Est-ce qu'ils en parlent qu'on se tape pour un emploi précaire, que les unes après les autres les usines ferment en te laissant à terre. Nos darons sont à bout de force après une vie de sacrifice. Ici les cuillères sont rouillées et que les tuyaux ne sont pas gratis. Que si on vend du cannabis, c'est que c'est la haie, ça fait genre bis. On dit que l'homme a le pouvoir, pourtant on s'enfonce dans les abysses. On n'en parle pas du nombre de crises de nerfs qui se passent dans les foyers, du nombre de femmes qui se mangent des coups parce que le maïs est noyé. Ils te bourrent à cause de la bourka pendant que le reste est chéka. Mais je sais qu'à chaque réussite, ils te sécarent. Rien qui parle, rien qui parle sur nos Jackson sans nous connaître. Mais ne parle pas des vrais blèmes pros qui nous font devenir malhonnêtes. Les médias sont baïonnés, ils gèrent l'info comme du tri sélectif. Je boycotte Laurence Ferrari, cette meuf un sédatif. Ils nous parlent des petits délits, du beau temps, de la pluie. Quand les langues se délient, des dents se cassent sur leurs croquis. En fait, ce que je voulais te dire, comment ça, chut. Hey, je suis pas aveugle, ni sourd, ni muet. Motus et bouche cousue. Leur silence égare nos frères à coup sûr. Faire le tri sur ce qu'on dit, c'est fermer les yeux à tout prix. Nous quoi qu'on rappe, on sort les choses de l'oubli. Motus et bouche cousue. Ils s'obstinent à cacher ce qui est gênant derrière la couture. Ils dissimulent les cris, nous font tourner comme des toupies. Tango et cage face à l'ampleur, on n'a même pas tout dit. Les mains en l'air, c'est un hold up.